Europe On Air avec les centres Europe Direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Europe On Air, l'émission qui vous parle d'Europe et de son actualité. Votre chronique est présentée par l'association Christel, Centre Europe Direct, Lorraine Grand Est. Aujourd'hui, on va parler de défense, numérique, énergie, paiement. L'Europe est-elle trop dépendante des États-Unis? Nous parlerons ensuite du Made in Europe. L'Union européenne veut relancer son industrie. Et pour commencer cette émission, défense, numérique, énergie, paiement, l'Europe est-elle trop dépendante des États-Unis? Eh oui, on parle d'autonomie stratégique européenne. C'est un concept souvent évoqué à Bruxelles, mais que signifie-t-il concrètement? Alors, l'Europe est-elle trop dépendante de son allié américain? Et surtout, peut-elle vraiment s'émanciper? C'est ce que nous allons voir. Pourquoi parle-t-on aujourd'hui autant de dépendance européenne vis-à-vis des États-Unis? Parce que le contexte international a profondément changé. La guerre en Ukraine, les tensions commerciales, l'éventualité d'un retour d'un président américain moins favorable au multilatéralisme, tout cela pousse l'Europe à s'interroger. Mais l'idée n'est pas de rompre avec les États-Unis, mais de ne plus être vulnérable si la relation se tend. Commençons par la défense. En quoi l'Europe dépend-elle des États-Unis sur ce plan? La dépendance, elle est massive. La sécurité européenne repose en grande partie sur l'OTAN, où les États-Unis jouent un rôle central. Ils fournissent une part essentielle des capacités militaires, avec les renseignements satellitaires, la dissuasion nucléaire, les transports stratégiques, les systèmes de défense avancés. Mais l'Union européenne n'a-t-elle pas déjà développé sa propre politique de défense ? Oui, mais elle reste complémentaire. L'Union européenne finance des projets industriels, encourage la coopération militaire. Cependant, elle n'a ni armée commune, ni capacité stratégique équivalente à celle des États-Unis. On parle donc d'autonomie relative, pas d'indépendance totale. Deuxième secteur, le numérique. Là aussi, la dépendance est forte. Oui, elle est visible au quotidien. Les grandes plateformes utilisées en Europe, moteurs de recherche, réseaux sociaux, services cloud, sont majoritairement américains. Les géants du numérique comme Google, Microsoft, Amazon ou Meta dominent largement le marché. Et cela pose un problème stratégique. Oui, car cela signifie que les données, les infrastructures numériques et une partie de l'économie numérique européenne reposent sur des acteurs extérieurs. L'Union européenne tente de réguler ces entreprises, mais elles restent dépendantes technologiquement. Troisième secteur, l'énergie. On pense souvent à la dépendance à la Russie, mais les États-Unis jouent aussi un rôle. Oui, depuis la réduction drastique des importations russes, l'Europe a massivement augmenté ses importations de gaz naturel liquéfié américain. Les États-Unis sont devenus l'un des principaux fournisseurs d'énergie de l'Union. Cela a permis de sécuriser l'approvisionnement, mais cela crée une nouvelle forme de dépendance. Et dernier secteur évoqué, les paiements. C'est plus discret, mais tout aussi stratégique. Absolument, la majorité des transactions par carte bancaire en Europe passent par des réseaux américains comme Visa et Mastercard. Cela signifie qu'une part essentielle de l'infrastructure financière européenne dépend de sociétés non européennes. Est-ce que cela peut devenir un levier politique ? Oui, les systèmes de paiement peuvent être utilisés comme instrument de pression économique. C'est pourquoi l'Union européenne réfléchit à développer des alternatives européennes pour sécuriser sa souveraineté financière. Et faut-il s'inquiéter de ces dépendances ? Il ne s'agit pas d'hostilité envers les États-Unis, ce sont des alliés historiques, mais dans un monde instable, la dépendance devient une fragilité. L'objectif européen est donc d'atteindre une capacité d'action autonome sans rompre l'alliance transatlantique. Merci Adam. Deuxième actualité de cette émission, le Made in Europe. L'Union européenne veut relancer son industrie. Et oui, c'est un peu en lien justement avec la précédente actualité. La Commission européenne vient de proposer une stratégie baptisée Made in Europe pour soutenir la production industrielle dans l'Union européenne. L'objectif, relocaliser certaines productions, réduire la dépendance vis-à-vis de pays comme la Chine aussi, et renforcer la compétitivité européenne. D'abord, quand on parle de Made in Europe, de quoi parle-t-on exactement ? L'idée, elle est assez simple, encourager la production industrielle directement en Europe. La Commission propose d'introduire des critères favorisant les produits fabriqués dans l'Union européenne, notamment dans les marchés publics ou les programmes de soutien industriel. Autrement dit, lorsque l'argent public européen finance des projets, on essaiera davantage d'acheter ou d'utiliser des produits fabriqués en Europe. Donc c'est un peu une préférence européenne. Oui, on peut dire ça. Le principe est de soutenir les entreprises européennes dans des secteurs considérés comme stratégiques. Les technologies propres, l'automobile ou encore les industries lourdes comme l'acier ou le ciment. L'idée, c'est d'orienter la demande vers la production européenne afin de soutenir l'emploi et renforcer l'autonomie industrielle. Pourquoi cette question industrielle devient-elle si importante aujourd'hui ? Parce que l'Europe s'est rendue compte ces dernières années de sa dépendance dans plusieurs secteurs stratégiques. Pendant longtemps, l'Union européenne a privilégié l'ouverture commerciale et les chaînes de production mondiales. Mais la pandémie, les tensions géopolitiques et la concurrence internationale ont montré que certaines dépendances peuvent être risquées. On pense notamment à la Chine. Oui, clairement. Dans certains secteurs, comme les batteries, les panneaux solaires ou certaines matières premières, la production mondiale est fortement dominée par la Chine. La stratégie européenne vise donc à réduire cette dépendance et à sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Concrètement, quelles mesures sont proposées ? La Commission veut fixer des seuils de production européenne pour certains produits. Par exemple, pour les véhicules électriques, une grande partie des composants devrait être fabriquée dans l'Union européenne pour bénéficier de certains financements publics. L'objectif, c'est de créer un effet d'entraînement pour l'industrie européenne. Est-ce qu'on peut comparer cela aux politiques industrielles des États-Unis ou de la Chine ? Oui, dans une certaine mesure, les États-Unis ont adopté des politiques très volontaristes pour soutenir leur industrie, notamment pour les technologies vertes. La stratégie européenne s'inscrit dans cette logique, renforcer la compétitivité industrielle face à des puissances économiques très actives. Cette stratégie vise aussi l'emploi ? Oui, c'est un argument central. Certaines industries européennes ont perdu de nombreux emplois ces dernières années, notamment dans l'automobile ou les industries lourdes. L'idée, c'est donc de soutenir l'activité industrielle en Europe pour préserver et créer des emplois. Mais tout le monde n'est pas forcément d'accord avec cette stratégie. Effectivement, le débat est très vif au sein de l'Union européenne. Certains États membres, notamment en Europe du Nord, craignent que cette politique ne devienne trop protectionniste et n'entrave le commerce international. Ils redoutent aussi que des règles trop strictes découragent les investissements étrangers. Il y a aussi la question des partenaires commerciaux. Oui, car favoriser les produits européens peut être perçu comme une forme de protectionnisme par certains partenaires commerciaux. La Commission essaie donc de trouver un équilibre, soutenir l'industrie européenne tout en respectant les règles du commerce mondial. Le Made in Europe n'est donc pas une solution miracle. Eh non, c'est plutôt un outil parmi d'autres. Pour relancer l'industrie européenne, il faudra aussi investir dans la recherche, les technologies et la formation. Mais cette stratégie marque un changement important. L'Union européenne assume désormais une politique industrielle plus active. Merci Adam, c'était votre chronique Europe On Air sur Radio Fadjet présentée par l'association Christelle Centre Europe Direct Lorraine Grand Est. À bientôt pour une prochaine chronique et portez-vous bien. À bientôt.